Différents milieux sud-coréens font l'éloge du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les analystes de la situation et spécialistes militaires ont fait remarquer que la montée du Nord au premier rang des puissances nucléaires est due à l'audace sans pareil du dirigeant suprême Kim Jong-un qui domine le monde. Et de dire « Sous sa direction lucide, le Nord consolide sa position stratégique de puissance nucléaire pour ainsi remporter une victoire décisive dans la confrontation avec les forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, et modifier la structure politique en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. » Les presses, le journal Kyungyang Simun par exemple, ont rapporté que le dirigeant suprême Kim Jong-un, lors de son inspection de Panmunjom, avait déclaré qu'une fois déclenchée la guerre, les ennemis seraient obligés de signer la capitulation, non pas l'accord d'armistice. Ils ont souligné qu'on peut entrevoir ainsi son courage. À propos de cette réalité éclatante, les Sud-Coréens disent que c'est le résultat précieux de l'intrépide sans égale et de la direction éclairée du dirigeant suprême Kim Jong-un, animé de l'esprit du Pektu, et la victoire de la grande ligne consistant à renforcer parallèlement l'économie et les forces armées nucléaires, et c'est la tournure où le Nord prend les États-Unis par la nuque pour le conduire.